إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc aujourd'hui c'est le cours 56, on commence le cours 56. Et aujourd'hui on a terminé, bon la semaine passée on a terminé Kitab Al-Hajj. Donc aujourd'hui on commence un autre chapitre qui est le dernier chapitre dans le volume 1 de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Et le titre de ce chapitre c'est « Fi Ahkam Al-Jihad Fi Sabilillah » c'est-à-dire les règles du djihad fi sabilillah. Naam. Donc on va expliquer ça aujourd'hui, mais avant de commencer dans ce sujet-là, bien sûr, on va faire une petite introduction, inshallah, parce que on sait, comme on a tous compris, c'est que c'est un sujet qui sème beaucoup de confusion à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, à cause des musulmans eux-mêmes, et deuxièmement, également à cause des kuffars. Sur le plan des musulmans eux-mêmes, il y a parmi les groupes des positions différentes parmi les musulmans qui essaient de déformer la réalité de ce que signifie le djihad. Et donc de ce point de vue-là, c'est très important de bien comprendre cette situation-là. Et du point de vue des kuffars, ben c'est encore pire, parce qu'ils utilisent justement les déformations de certains groupes pour attaquer et critiquer les musulmans et l'islam. Donc on va faire une petite mise en situation à ce sujet-là. Inch'Allah, toutefois, avant de rentrer dans ce sujet-là, c'est important de comprendre que le djihad existe, c'est-à-dire dans les enseignements de Jésus et dans les enseignements du prophète Moïse et des autres prophètes, David et d'autres. Ils ont tous, à certains moments donnés, fait une catégorie ou une forme quelconque de djihad. Et on trouve ça clairement dans l'Ancien Testament, dans plusieurs versets. Quand on décrit par exemple lorsque Moïse est entré dans la terre de Canaan et qu'est-ce qu'il a, les peuples qu'il a dû affronter pour arriver jusque-là et comment les combats se sont produits, comment se sont passés, etc. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ça, même on pourrait en lire quelques exemples de l'Ancien Testament directement tel qu'il existe actuellement chez les chrétiens et les juifs. Donc, pour donner quelques exemples, il y a par exemple dans Deutéronome 20, verset 1, hein, chapitre 20, verset 1, la guerre et les combattants, ça c'est le titre. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu n'en auras pas peur, car Yahvé ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple et il leur dira « Écoute Israël, vous qui êtes aujourd'hui sur le point d'engager le combat contre vos ennemis, que vos cœurs ne faiblissent pas, n'ayez ni crainte ni angoisse et ne tremblez pas devant eux, car Yahvé, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis. » Puis il y a un autre chapitre par la suite, au chapitre, ça c'est jusqu'au chapitre 4 que j'ai lu, puis au verset 4, ensuite au verset 10 du même chapitre, chapitre 20, ça dit « La conquête des villes. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. Si elle l'accepte et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te devra la corvée et le travail. Mais si elle refuse la paix et ouvre les hostilités, tu l'assiégeras. Yahvé, ton Dieu, la livrera à ton pouvoir et tu en passeras tous les mâles au fil de l'épée. Les femmes toutefois, les enfants, le bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, toutes ces dépouilles, tu les prendras comme butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que Yahvé, ton Dieu, t'aura livrées. » Donc ça, c'est un exemple dans les versets 10 à 14. Et bien entendu, ça c'est juste certains exemples de ces choses-là. Toutefois, il y en a beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament également, surtout dans les exemples de combats qui se sont produits auparavant. Quand il décrit par exemple les combats et qu'est-ce qui est arrivé avec Boulaam, l'oracle de Boulaam. Donc ça c'est des exemples. Puis il y a aussi l'exemple de, on va pas mentionner tous les détails, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a ces choses-là dans l'Ancien Testament également, dans la Bible. Et l'exemple aussi de David quand il a combattu Goliath. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, même pas besoin de mentionner, c'est des choses qui ont été connues de la part des Juifs, de la part des chrétiens eux-mêmes. Et donc ils essaient aujourd'hui de faire semblant que la guerre ça n'existe pas dans leur religion, le djihad ça n'existe pas. Ils essaient de faire comprendre que les musulmans c'est des sauvages, des gens qui appelle à la destruction et à tuer et des choses de ce genre. Et bien entendu, ça c'est une déformation totale de la réalité et de la vérité. Même s'il y a des égarés aujourd'hui et des ignorants qui essaient d'interpréter l'islam de cette façon-là et qui essaient de détruire et de faire la destruction sur la terre, tout ce qu'ils font n'a aucune autorité dans la religion musulmane et ce qu'ils font en réalité et en opposition totale avec les textes et la compréhension de ces textes selon l'explication et la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension également des sahaba et de ceux qui les ont suivis par la suite. Donc également même on trouve dans les paroles qui sont attribuées à Jésus dans le Nouveau Testament, on trouve encore des exemples de ça aussi. Par exemple, on parle ici dans Matthieu, chapitre 10, verset 34. Jésus, on attribue à Jésus les paroles suivantes. « N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Donc ici, il dit qu'il amène l'épée, le glaive, et non pas la paix. Donc, ça c'est pour montrer aux gens qui prétendent que c'est uniquement dans l'islam qu'il y a ces notions de combat et de djihad et de lutte. Au contraire. Et aussi dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 10. Et il y a écrit « Car ils égarent mon peuple en disant paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Tandis qu'il bâtit une muraille, les voici qui la couvrent de crépis. Donc ça c'est un exemple pour dire que il y a des gens qui parlent de paix parfois, alors qu'ils ne font même pas la paix. Et ça, ça nous fait comprendre même la position des koufars même aujourd'hui. Comment ils parlent aujourd'hui de paix, alors que partout sur la terre, c'est eux qui sèment la guerre et la destruction, et les problèmes et les conflits, c'est eux qui les enseignent, qui les dirigent. Quand on voit par exemple que lorsqu'ils parlent aux gens, ils parlent de Jésus en disant que Jésus est venu pour enseigner la paix et d'aimer nos ennemis et de tourner la joue lorsque quelqu'un te frappe. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Toutefois, lorsqu'on regarde dans la réalité de ces peuples, comment ils agissent, ils n'agissent pas du tout de cette façon-là envers les musulmans. Et donc ça, c'est pour faire comprendre en réalité que ces gens-là essaient de faire croire aux gens une image ou se donner une image envers les autres, mais la réalité, qu'est-ce qu'ils font en réalité, on voit que c'est tout à fait le contraire et totalement différent à la réalité. Donc ça c'est juste pour commencer, pour clarifier ce point-là par rapport aux chrétiens et aux juifs. Maintenant, par rapport aux musulmans, il y a différentes positions parmi les groupes de bid'ah à ce sujet-là. Il y a des groupes d'égarements qui sont des sectes complètement en dehors de l'islam, qui nient complètement le djihad et qui font des choses pires que ça encore, comme croire qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les Qadianiyya par exemple. Et les Qadianiyya, ben, ils nient totalement eux le djihad, comme ils croient que Ghulam Ahmad est leur prophète et qu'il a révélé que le djihad est aboli. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui a été poussé, c'est une secte qui a été poussée et financée par l'Angleterre, hein, pour éloigner les gens lors de la colonisation anglaise de l'Inde, pour éloigner les gens du combat et du djihad contre les colonisateurs. Donc ça c'est un exemple. Il y a également des positions parmi des groupes de bid'ah comme les soufis, hein, qui eux déforment la réalité du sens du djihad et qui le limitent à un combat contre soi-même ou contre notre âme ou contre nos désirs et nos passions, et ils appellent ça al-jihad nafs ou jihad nafs. Et il n'y a pas de doute que jihad nafs ça fait partie de l'islam et que c'est très important. Toutefois, c'est pas la seule signification du djihad, et non seulement ça, c'est pas aussi la façon dont le terme djihad est utilisé dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna. C'est pas du tout limité à cette compréhension-là. Donc ça c'est un exemple de la part des soufis, hein, qui déforme le sens réel du djihad. Il y a également une autre catégorie parmi les gens de bid'ah qui eux ils déforment le sens du djihad pour essayer de l'interpréter comme étant uniquement en temps de défense ou en cas de défense, hein, pour l'offensive par exemple, pour la défensive. Si quelqu'un nous attaque, si quelqu'un nous fait du mal ou nous fait de l'injustice, donc il faut se défendre, et pour eux c'est ça le djihad. Alors qu'on a des exemples, même dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, où on a trouvé dans plusieurs batailles que c'est les musulmans qui ont commencé la bataille et qui ont commencé l'attaque. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on appelle dans l'islam djihad al-talab? Et ça fait partie également du djihad pour aller établir l'islam et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour l'élever au-dessus de toute autre parole. Et ça c'est la définition même du djihad. Toutefois, le djihad de défense existe également, mais c'est pas la seule forme de djihad qui existe. Donc ça c'est un exemple aussi de limitation des termes et des sens. Il y a également ceux qui disent que par exemple le djihad c'est un combat pour la justice ou une lutte pour la justice. Et ça, c'est des modernistes. On entend souvent des modernistes qui utilisent cette appellation-là ou interprétation-là pour se faire accepter des activistes et des groupes socialistes et des altermondialistes, en tout cas. Des gens qui sont contre la mondialisation, puis tout ça, tu les vois. Il y a des musulmans qui essaient de se rapprocher de ces groupes-là en utilisant ces termes-là, et des communistes aussi qui ils essaient de se rapprocher des communistes et des socialistes de cette façon. Et bien entendu, c'est une déformation encore une fois du sens du jihad, qui est très loin de l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et ce que les sahaba ont suivi. D'accord, donc le jihad c'est pas ça. Le jihad c'est le combat dans le chemin d'Allah ou la lutte dans le chemin d'Allah pour élever la parole d'Allah. Donc on va expliquer tout ça en détail inchallah plus loin. Mais c'est juste pour que vous sachiez. Maintenant, il y a un autre groupe à l'autre extrême, c'est ceux qui disons interprètent le jihad d'une façon totalement anarchique et qui croient que le terrorisme fait partie du jihad et qu'il est permis de tout faire et qu'il n'y a aucune limite, aucune condition, aucune règle à respecter. Et ça, c'est des gens qui vont par exemple se faire des petits groupes comme que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit d'autres jama'at qui vont essayer de changer les situations dans les pays musulmans ou non musulmans en faisant des actes de terrorisme. Et ça, bien entendu, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est l'attitude des groupes qu'on appelle les groupes qui sont des Khawarij, qui suivent la secte des Khawarij. C'est-à-dire, ils croient qu'ils ont une autorité qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas au pouvoir, ils n'ont pas aucune autorité politique. Et ils se donnent le droit de déclarer la guerre, de déclarer la paix, de tuer qui il veut, comme il veut. Donc, ils se divisent en parties et en groupes, dans plusieurs parties musulmans, dans plusieurs pays musulmans, et ils s'organisent de cette façon. Ils s'élient un chef, un amir, et ils se donnent le droit, par exemple, de dire on va attaquer tel groupe, telle partie, tel pays. Comme on a vu dans plusieurs pays musulmans, qu'est-ce qui se passe actuellement, puis même en Occident, c'est arrivé aussi des choses de ce genre. Et ces gens-là, ils pensent que qu'est-ce qu'ils font, c'est le jihad, alors qu'en réalité, c'est al-fasad, c'est le désordre qu'ils sèment sur la terre. Et ces groupes-là sont réfutés et combattus partout dans le monde de la part des gouvernements et des dirigeants musulmans. Et également même de la part des kuffars, parce que le désordre qu'ils sèment sur la terre est grand. Toutefois, il y a parfois une attitude hypocrite et une paradoxale de la part des kuffars qui les encourage et les aide indirectement parce que ça sert d'une double façon pour eux à salir l'islam et la réputation des musulmans en donnant une mauvaise image à l'islam à cause des actions de terroristes qu'ils font, et ça donne l'impression aux gens pour essayer de justifier que l'islam c'est une religion de violence, donc ils subventionnent parfois ces groupes et ils les aident indirectement pour essayer de faire croire justement aux non-musulmans que les musulmans sont des gens violents et des terroristes. Donc il y a d'une certaine façon aussi, c'est un moyen de déstabiliser les pays musulmans et les gouvernements musulmans en contrôlant ces groupes-là à l'intérieur des pays musulmans pour, avoir une plus grande influence et une plus grande autorité dans les pays musulmans eux-mêmes, parce que ces groupes-là attaquent les pays musulmans et ils créent des instabilités dans le pays. Et donc ça crée l'insécurité et beaucoup d'autres problèmes, et donc on voit que ça sert aux intérêts des kuffars avant même que ça serve soi-disant à quoi que ce soit qui a rapport avec l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam, tous ces actes-là. Il y a un autre point aussi qu'on pourrait mentionner à ce sujet. Ah oui, c'est que il y a des gens, comme on a expliqué plusieurs fois, qui essaient de dire que ceux qui font les actes terroristes, ils les nomment salafis djihadi, ou qu'ils sont salafis. Et ils n'ont rien à voir en réalité avec les salafs ou les salafis. Premièrement, ces groupes de terroristes sont des khawarij. Ils déclarent les gouvernements et les individus comme étant des koufars à cause des péchés qu'ils font. Et ça, c'est la aqida des khawarij. Okay? Donc, ça ne fait pas partie de la croyance des musulmans. Et c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti contre ces gens-là et contre ces groupes-là. Et il a dit qu'ils seraient présents jusqu'à la fin des temps et qu'ils allaient arriver comme ça de temps à autre à travers l'histoire islamique. Et qu'il fallait les arrêter et les combattre. Donc ça c'est de un. Et également une autre raison pourquoi ils sont pas pourquoi ils sont des khawarij, c'est qu'ils rejettent l'autorité des dirigeants, soi-disant parce que ce sont des dirigeants injustes et qu'ils font des péchés. Et le prophète sallam a totalement interdit aux musulmans de rejeter l'autorité des dirigeants, même s'ils sont injustes et même s'ils font des péchés. Et ça c'est la voie des salafs, et il y a le consensus des musulmans à ce sujet-là depuis l'époque des sahaba. Donc essayer de nier ou d'essayer de nier que ce sont des khawarij, c'est en fait déformer la réalité. Non seulement ça aussi, c'est que ils combattent les dirigeants musulmans et ils se donnent une autorité qu'ils n'ont pas, et ils croient qu'ils peuvent se diviser en partis et en groupes et s'élire un dirigeant qui est pour eux au-dessus de celui qui est au pouvoir dans le pays. Donc tout ça c'est des exemples de différentes formes de l'application de la voie des Khawarij. Donc ça c'est un exemple. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à mentionner avant de commencer à parler de ce sujet-là. Et donc, inshallah, on va commencer à expliquer les règles de ce qui a rapport avec le jihad. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique, il dit: شَرَعَ اللَّهُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ وَنُسْرَةِ دِينِهِ. Ah oui, un autre point avant de commencer aussi, c'est que il y a des gens qui ont dit il faut pas parler de jihad par exemple à notre époque, parce que étant donné toutes les choses qui se passent dans le monde et tout ce qui se passe au nom de l'islam et du terrorisme et tout ça, donc il faut pas en parler. Et ça, il y a des gens même qui ont dit ça, qui ont amené cet argument là au Cheikh Saleh Al-Fawzan lui-même. Et le Cheikh, quand il a entendu ça, il a répondu en disant que non, au contraire, il faut enseigner ce sujet-là justement pour pouvoir réfuter les fausses compréhensions qui ont été données ou qui ont été mises par ces gens de bid'ah et ces gens d'égarement au sujet du djihad. Et le fait qu'on parle ou qu'on explique les règles du djihad, c'est pas pour déclarer la guerre au kuffar en ce moment ou bien pour dire qu'on va faire le djihad maintenant. Non, c'est seulement pour qu'on connaisse les règles de l'islam et les règles de la religion telles qu'elles sont, et telles qu'elles ont été révélées et telles qu'elles ont été enseignées par les savants de l'islam depuis des siècles et des siècles. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une nouvelle mode qui commence. C'est des choses qui sont dans tous les livres de fiqh. N'importe quel livre que vous prenez dans le fiqh, n'importe quel madhhab parmi les quatre madhhab des quatre imams, vous allez trouver dans les livres de fiqh, que ce soit des résumés ou des livres plus approfondis et plus détaillés, vous allez trouver un chapitre qui traite de ce sujet-là dedans et qui clarifie ces règles en détail. Donc c'est pas quelque chose qui est secret, c'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose qui est camouflé, c'est pas quelque chose qu'on parle dans des réunions secrètes ou des trucs comme ça. Non, ça c'est des choses, n'importe quel mécréant, non-croyant, non-musulman peut aller dans une librairie ou dans une bibliothèque islamique, même à l'université McGill ici à Montréal, il y a une grande librairie islamique, n'importe qui peut y aller, prendre des livres de fiqh et lire ce que des savants ont écrit sur ce sujet depuis des siècles. C'est pas un secret. Même les non-musulmans savent ça. Ils connaissent les règles du djihad et ils savent ce que ça signifie. Et même ils savent aussi que les interprétations de certains groupes et de certaines sectes, les interprétations qu'ils en font sont totalement fausses. Toutefois, ils essaient de tromper les non-musulmans ignorants, qui ignorent la réalité de l'islam, et de tromper les musulmans ignorants également, en mettant de l'avant des groupes modernistes pour parler dans les médias ou pour dire des choses fausses. Et d'un autre côté, on voit l'extrême. Ceux qui déforment la réalité, d'un côté en faisant des actes de terrorisme, donc ils salissent l'image de l'islam et le nom du djihad, et de l'autre côté, ceux qui viennent à la télé pour dire, dénoncer soi-disant ces choses-là, puis pour dire non, nous on n'est pas pour ça, et le djihad c'est pas ça, et d'un côté c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Sauf qu'en même temps, ils disent non, le djihad c'est une lutte pour la justice et des trucs de ce genre, puis c'est un djihad ou neuf, c'est contre notre âme et tout ça, donc il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, l'islam c'est la religion de la paix, l'islam c'est la religion de l'amour, etc., etc. Donc il nie d'une certaine façon la réalité du combat dans l'islam, et que l'islam c'est pas juste une religion soi-disant d'amour et tout ça comme le christianisme, mais même dans le christianisme il y a des enseignements, comme Jésus l'a dit, qu'il est venu amener le glaive, et dans l'Ancien Testament, David qui s'est combattu, Moïse et beaucoup d'autres prophètes, même Salomon aussi, qui ont détruit des idoles, qui ont combattu l'idolâtrie, qui ont combattu le shirk et le kufr et tout ça. Donc ça c'est pas nouveau, hein. Donc là on va commencer inshallah. Le cheikh dit shara Allahu al-jihad fi sabilillah li'ala kalimatihi wa nusrati dinihi wa dahri a'da'ihi wa shara'ahu ibtila'an wa ikhtibaran li'ibadihi. ذلك لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Donc le cheikh il dit que يعني Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jihad dans son chemin, dans son sentier, pour élever sa parole et pour donner la victoire à sa religion et pour écraser et repousser ses ennemis, et il l'a aussi légiféré comme un test et une épreuve pour ses serviteurs. Et il mentionne le verset de 4 à 6 dans Surat Muhammad qui dit il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns les autres. Donc, c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait punir les koufars et se venger des koufars à cause de leur mécréance et de leur égarement, il les aurait punis lui-même. Sauf qu'il a voulu nous éprouver les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il nous a légiféré le combat et le djihad. Il dit, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Hein? Il les guidera et améliorera leurs conditions. Hein? Et donc ça c'est pour montrer que lorsque quelqu'un a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il croit en la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout faire pour arriver à défendre la vérité. Et donc il y a un point aussi en même temps en passant, c'est que on voit que ici c'est marqué par exemple et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions, il les guidera et améliorera leurs conditions et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Il y a surtout dans les médias on entend souvent ça, des actes d'attentats suicides que des gens de bid'a font, c'est des groupes d'égarements parmi les groupes égarés, parmi les musulmans qui commettent ce genre de suicide. Et ils essaient de montrer que ces attentats-là, c'est islamique, et ils pensent qu'en faisant ça, ils aident la cause d'Allah et qu'ils font le sacrifice ultime de leur vie pour Dieu, et que ça, c'est un djihad. Et en réalité, bien entendu, c'est pas du tout vrai. Et les savants de l'islam parmi les ulama comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, et Cheikh Al-Fawzan, et Cheikh Al-Luhaydan, et beaucoup d'autres parmi les grands ulama de la Umma qui sont des ulama salafis aujourd'hui, ont expliqué que ça c'est un acte de suicide, et que celui qui fait ça, il n'aura pas de pardon. Hein, il n'aura pas de. Dans le sens, pas qu'il n'aura pas de pardon, mais c'est-à-dire que s'il meurt en faisant ça, il ne sera pas parmi les martyrs et les shuhada. En fait, il sera parmi les gens qui se sont suicidés eux-mêmes et qui ont commis un grand péché. Hein? Donc, c'est pas. Et en plus, c'est pas de cette façon. Ça fait pas partie du jihad de cette façon, comme ceux qui prétendent que de se lancer dans l'ennemi comme autant des sahaba. Il y en a qui. Les sahaba, parmi les sahaba, il y en a qui se mettaient dans les catapultes et qui se faisaient projeter en arrière des lignes ennemies en arrière des murailles des ennemis pour essayer de rentrer pour ouvrir les murailles ou les barrières pour, disons, entrer dans les forts, ou bien qui se jetaient dans les rangs d'ennemis pour, disons, créer une ouverture, et ils faisaient ça en voulant sacrifier leur vie pour aider la cause de l'islam. Et ils essaient de comparer ça au fait de faire des attentats suicides. Et bien entendu, il n'y a aucune comparaison à faire entre le fait de mettre une bombe, de se mettre une bombe sur soi-même et d'aller au centre-ville et de tuer des innocents, hein, dans un pays non musulman ou même musulman, de faire ça au nom de l'islam, de tuer des touristes ou de tuer des gens qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Ou même de croire que de faire ça c'est permis, alors que c'est des gens qui ne sont même pas des qui sont même pas, disons, en train de faire ça par rapport à une guerre légale et légiférée et légitime. C'est quelque chose qu'ils s'improvisent à faire individuellement, et donc les savants ont dénoncé ces actes terroristes là, ils ont dit que ça fait pas partie de la religion musulmane. Donc ça c'est un point important, parce que souvent on entend des gens qui disent « Ah, c'est des gens qui font ça, ils veulent avoir, disons, le paradis, puis ils veulent avoir en récompense les vierges que Dieu a promis aux croyants lorsqu'ils meurent martyrs et tout ça. » Oui, c'est vrai, il y a des promesses pour les gens qui meurent martyrs, qu'ils auront le paradis et qu'ils auront le plus haut niveau même du paradis, et qu'ils auront des vierges en récompense dans le paradis, et ce sont des vierges éternelles. C'est pas des femmes comme les femmes de notre monde, mais ça ne justifie pas, et ça veut pas dire que ceux qui font ces actes de terrorisme et ces attentats terrorisme et ces formes de suicide vont eux recevoir ces récompenses là, parce que ce qu'ils font en fait c'est un des plus grands péchés dans l'islam, de mettre fin à sa vie par sa propre main, et ça c'est interdit. Clairement dans le Coran, Dieu dit وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous tuez pas vous-même, ne faites pas que votre main soit la cause de votre perte. Et les groupes et les gens qui font la propagande ou qui incitent les jeunes à faire des actes de ce genre, c'est des groupes qui sont en grande partie, disons, supportés par la tendance des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin, le groupe de Hassan al-Banna. Hein. Ça, c'est des gens qui disent que les juifs et les chrétiens sont leurs frères, puis qui par la suite vont faire des actes terroristes au nom de l'islam. Et même Youssef al-Qardawi, qui prétend être l'ami de Jean-Paul II, puis qui demande la miséricorde de Dieu pour lui, et qui dit qu'on combat pas les juifs pour la religion, mais pour la terre seulement, eh ben lui-même, ce gars-là, il dit que c'est permis de faire des actes d'attentats terroristes, et il justifie qu'est-ce qui se passe en Irak d'attentats terroristes et de combats soi-disant, et il prétend que c'est correct. Donc ça c'est des contradictions de la part de ces gens de Bid'a parmi les Ikhwan et d'autres groupes d'égarement, hein? Et on voit qu'ils ont deux visages souvent, parce que d'un côté ils montrent aux médias et aux koufars, oh oui, on est pour la paix, l'intégration, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, les valeurs universelles, etc. Puis d'un autre côté, tu les vois appeler au terrorisme et essayer de justifier les attentats terroristes et qu'est-ce que les gens font de l'islam, en essayant de faire l'apologie de qu'est-ce que ces gens-là font en disant « Mais regardez, ils n'ont pas le choix, ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas d'autre moyen. » Et vous avez poussé à bout, donc on peut comprendre leur attitude et on peut comprendre que ce qu'ils font c'est bon et que c'est vrai parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc ils utilisent cet argument-là pour essayer de défendre ce genre de position totalement absurde et totalement contraire à l'islam. Donc on va continuer l'explication maintenant du Cheikh. Le Cheikh il dit « Wal jihadu fi sabilillah lahu ahammiyatul lahu al-ahammiyatul azima fi l'islam wa huwa dhirwatu sanam l'islam wa huwa afdal al-ibadat wa qad addahu ba'd al-ulama ruknan sadisan min arkan l'islam » Le Cheikh il dit que le jihad dans le chemin d'Allah il a une grande importance dans l'islam. Et dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la comparaison entre l'islam et un chameau, il a dit que Ra'sul Amri l'islam, la tête de la religion c'est l'islam, en comparant à un chameau, la tête c'est l'islam. Wa umuduhu s-salat, et son cou c'est la prière. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, et la tête de la bosse du chameau c'est le jihad. D'accord, donc ça c'est pour montrer l'importance du jihad dans l'islam. Et il dit que c'est une parmi les meilleures formes d'adoration. Et Allah, il dit que certains parmi les ulama l'ont considéré même ou l'ont calculé comme étant un sixième pilier parmi les piliers de l'islam. Bien entendu, c'est pas accepté que ce soit un sixième pilier de l'islam, mais c'est arrivé que certains savants l'ont inclus comme étant un sixième pilier de l'islam. Et c'est pour ça même que probablement que le Cheikh l'a mis à la suite, après le Hajj, après avoir terminé les cinq piliers de l'islam, il parle tout de suite du Hajj à la fin. Donc il dit wal jihad fi sabilillah mashru'un min al-kitab wa sunnah qala ta'ala kutiba 'alaykum al-qital wa fi'luhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa amara bihi wa qala sallallahu alayhi wa sallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. Le Cheikh il dit que le jihad fi sabilillah il a été légiféré par le Coran, par la Sunna et par le consensus de la Umma. Et il donne comme preuve de ça le verset 216 dans Surat al-Baqarah qui dit le combat vous a été légiféré ou vous a été prescrit. Et on a aussi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a fait le jihad et qui a commandé à ses sahaba de le faire. Et il y a beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Et il note en bas de page différents exemples de ces hadiths-là. Comme par exemple le hadith de Anas qui est rapporté selon l'imam Ahmad, Abu Daoud, Al-Nasai, Al-Hakim, qui dit « Jahidul mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa aidikum » c'est-à-dire lutter contre les mushrikin, contre les idolâtres et les gens qui font le shirk, avec vos biens, avec vos personnes et avec vos mains. Et ensuite le Cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, qui dit « Celui qui meurt et qui n'a pas combattu et qui ne sait pas donner ou qui ne sait pas parler ou inciter lui-même à combattre, qui n'a pas eu l'intention de le faire, eh bien il meurt sur une parmi les branches du nifaq, c'est-à-dire de l'hypocrisie. C'est une branche parmi les branches du nifaq. Ça ne veut pas dire qu'il meurt mécréant ou hypocrite, ça veut dire qu'il a une branche de l'hypocrisie. Donc ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de l'islam. Le Cheikh il dit ensuite wal jihad masdar jahada ay balagha fi qital aduwi wa shar'an qital al kuffar wa yutlaq al jihad ala a'am min al qital. Le Cheikh il dit que le jihad ça vient du verbe jahada yujahidu jihadan, et ça veut dire de faire un grand effort pour combattre son ennemi. de faire une grande, disons, l'ultime effort dans le combat de son ennemi. Et selon la charia, c'est le combat des kuffars, combat des non-croyants, la lutte contre les non-croyants. Et en fait, si tu utilises le terme djihad, c'est plus large, beaucoup plus large que le simple terme de combat ou de bataille ou de lutte en soi. C'est-à-dire c'est beaucoup plus large que ça comme signification. Et il y a beaucoup d'exemples de djihad autres que le combat. Donc le cheikh il mentionne par la suite ici les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Et les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dans Zad al-Ma'ad lorsqu'il parle du djihad, il dit قال العلامة ابن القيم وجنس الجهاد فرض عين نعم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع انتهى كلامه. Donc الشيخ il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit, et le djihad en lui-même, en tant que catégorie ou forme d'adoration, il est obligatoire à chaque musulman. Il est fard ayn. Fard ayn, ça veut dire obligatoire à chaque musulman. Mais de quel point de vue? Là, il parle pas du combat lui-même, mais il parle des, disons, des degrés de djihad. Dans le sens que, il y a tout, c'est comme l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. C'est soit avec le cœur, ou avec la langue, ou avec les biens, ou avec la main. Donc, si tu ne peux pas le faire avec la main, tu le fais avec ton cœur, ta langue ou tes biens. Si tu ne peux pas le faire avec ta main et tes biens et ta langue, tu le fais au moins avec ton cœur. Et avec le cœur, ça reste fard ayn pour chaque musulman, à tout moment, à tout instant. Et tu peux jamais t'en échapper parce que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu seras toujours capable de faire djihad al-qalb avec ton cœur. Et le djihad avec ton cœur, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu dénonces le shirk et le kufr et l'égarement et tu as l'intention de combattre ces choses-là, même si tu peux pas. Donc ça, c'est l'intention, c'est dans le cœur. Et donc ça, tout musulman est capable de le faire et est obligé de le faire. Le cheikh il dit, donc chaque musulman doit faire le djihad avec une parmi ces catégories-là, et le cœur et les autres catégories s'il est capable, avec la langue s'il est capable, avec les biens s'il est capable, et avec la main s'il est capable. Mais bien sûr avec la main il y a des conditions, il y a des règles. Donc on va expliquer maintenant la suite. Le cheikh dit ويطلق الجهاد ايضا على مجاهده النفس والشيطان والفساق. Le cheikh dit qu'on peut utiliser également le terme djihad dans la lutte contre soi-même, contre nos désirs et nos tentations, contre le shaitan et contre les gens qui font des péchés. Et contre les munafiqin aussi, et contre les mubtadi'a, et donc différentes catégories que le cheikh n'a pas mentionnées mais qui sont incluses dans ces catégories qu'il a mentionnées là. Le cheikh il dit amma mujahadatu an-nafs fa'ala ta'allumi umur ad-din thumma al-'amal bihi thumma ta'limiha. Donc jihad an-nafs, mujahadatu an-nafs, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de se forcer à apprendre la religion et à agir et à l'appliquer, la connaissance de cette religion, et par la suite à l'enseigner aux autres. Et quatrièmement, que le cheikh n'a pas mentionné, la quatrième chose, c'est d'être endurant et de supporter les difficultés qui vont venir du fait qu'on enseigne la vérité. Donc ça, c'est les quatre degrés de jihad al-nafs, et c'est les bases même de qu'est-ce qu'on apprend dans al-usul al-thalatha au début. Ensuite, mujahadatu shaitan. Ensuite, il y a la lutte contre le shaitan, le djihad contre le shaitan. Et ça, c'est dans le but de, disons, repousser tout ce qu'il amène comme doute et comme confusion dans la religion, parmi les shubuhat. Et également, qu'est-ce qu'il embellit aux gens parmi les shahawat, les tentations et les passions et les désirs. Donc ça c'est une forme de jihad également, de combattre le shaitan. Troisième catégorie, mujahadatul al-kuffar. Mujahadatul kuffar, et il dit fataqa bil yad wal mal wal lisan wal qalb. Il dit que le combat contre les kuffars, ça c'est par la main, par les biens, par la langue et par le cœur. Et Mujahadat al-Munafiqin, il n'a pas parlé, il n'a pas mentionné ici, mais c'est mentionné dans d'autres livres, et aussi c'est mentionné même dans les paroles d'autres ulama. Et le jihad contre les Munafiqin, ça c'est pas avec la main, c'est pas avec la force ou avec l'épée, c'est uniquement avec le ilm, avec la connaissance. Et on a souvent vu ça dans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des hypocrites voulaient par exemple, disaient des choses ou faisaient des choses contraires à l'islam, et les sahaba disaient, comme Omar ibn Khattab et d'autres, disaient « Oh messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite », et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Laisse-le, parce qu'on ne veut pas que les gens disent que le prophète tue ses propres compagnons hein? ». Donc pour pas que les gens disent des choses comme ça et pour éviter la fitna. Et donc il les laissait, sauf que ça ne veut pas dire qu'il les laissait s'il les combattait pas, ça ne veut pas dire qu'il les laissait sans rien dire et sans rien faire, non. Au contraire, il les laissait parler, il les laissait faire leurs actions, il mettait pas terme à leur vie à cause de ça, mais il les réfutait par des preuves de la révélation qui descendait à leur sujet dans le Coran et dans la Sunna. Et il faisait contre eux le djihad avec la révélation, avec les preuves, avec les textes. Et c'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui avec les gens dans les pays musulmans qui appellent à la laïcité ou à la démocratie ou à toute idéologie comme socialiste ou marxiste ou autre, des idées qui sont contraires à l'islam et qui appellent au kufr et au shirk ou à rejeter l'islam et la charia. Donc avec ces gens-là, c'est pas avec la violence qu'il faut les combattre, et c'est pas de façon avec l'attitude de vouloir les attaquer ou leur faire du mal qu'il faut faire. Non, au contraire, il faut les laisser sans les attaquer, sans leur faire du mal. Parce que ça, si on fait des actes violents envers eux, ça va retourner contre nous de toute façon, et ça va pas être positif du tout. Mais c'est en clarifiant la vérité de l'islam, en enseignant la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en expliquant aux musulmans et aux non-musulmans la réalité de cette religion, et en montrant les textes et les preuves aux gens. Les gens vont tout de suite comprendre et savoir par la suite qui sont les munafiqin et qui sont les gens sincères et les gens véridiques. D'accord? Et les hypocrites ne peuvent rien faire contre la vérité. Ne peuvent rien faire du tout contre la vérité. Peu importe les ruses et les méthodes qu'ils essaient d'utiliser pour salir l'image des musulmans et pour salir l'image des salafiyines et des gens qui appellent à la sunna et au Coran, la vérité reste la vérité. Et les gens sincères vont toujours chercher la vérité. Et ils vont la reconnaître quand ils vont la voir et quand ils vont l'entendre. Toutefois, les gens faibles d'esprit, naïfs et qui sont facilement influençables, lorsqu'ils entendent ou lorsqu'ils voient des trucs à la télé, ils vont croire en ce que les hypocrites disent. Mais les gens qui sont intelligents et qui sont sincères et qui cherchent la vérité et qui veulent comprendre les choses telles quelles, quand ils vont entendre les explications et les clarifications des savants de l'islam, eh ben ils vont voir que ces hypocrites-là sont des menteurs. Et une chose importante aussi, c'est que le djihad contre les munafiqines, ça se fait uniquement avec le ilm, avec la science. Et c'est uniquement les ulama, les savants de l'islam qui le font. Hein? Parce que ça prend de la science. Et le problème actuellement, qu'est-ce qui s'est passé dans la Oumma? C'est qu'il y a eu des ignorants qui ont été, disons, choqués, parce que le but souvent des hypocrites et des gens de bid'a, c'est de choquer les musulmans pour les pousser à réagir d'une façon violente. Et étant donné que certains musulmans, ils ont un amour et un sens de l'honneur, une jalousie pour l'islam, et ils veulent la défendre, mais quand ils entendent les attaques des hypocrites, et qui ne savent pas comment les réfuter avec la science et avec la connaissance, alors ils pensent que la meilleure façon de réagir, c'est par la violence. Et en faisant ça, ils font plus de tort que de bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama de l'islam et aux savants de l'islam pour leur mentionner les arguments et les propos des munafiqines pour qu'ils les réfutent avec la connaissance qu'ils possèdent du Coran et de la Sunna. Et donc, ça sert à rien de répondre avec violence et avec agressivité, mais plutôt avec preuve et avec clarification du Coran et de la Sunna. Ensuite, le Cheikh il dit, et amma mujahadatul al-fusaq fabil yad wa thumma bil lisan thumma bil qalb hasba at-tamakkun min darajat inkar al-munkar. Et en ce qui concerne la lutte contre les pécheurs, les gens qui font des péchés ouvertement, c'est soit avec la main, puis ensuite avec la langue, puis ensuite avec le cœur, selon la capacité que les gens ont dans les degrés de dénoncer les choses qui sont contraires à l'islam. Et bien entendu, en tenant toujours compte des conséquences. Est-ce que ça va amener plus de bien, ou ça va être la même chose, ou bien ça va être pire? Et donc, de prendre en considération ces choses-là, puis par la suite de faire en sorte que ce soit toujours le mieux qui arrive à la fin. Inch'Allah. Le Cheikh dit ensuite, wal jihadu fardu kifaya. Idha qama bihi man yakfi, saqata al wujub an il baqin. Wa baqiya fi haqqihim sunna. Le Cheikh il dit que le verdict en ce qui concerne le jihad lui-même, non pas en tant que catégorie, comme on a parlé tout à l'heure, mais en tant que jihad, en tant que lutte, c'est fard kifaya. S'il y a un nombre suffisant de musulmans qui ont fait ce qui est obligatoire en ce qui concerne le djihad, ce n'est plus obligatoire pour le reste des musulmans, mais ça reste seulement quelque chose de recommandé pour eux, c'est-à-dire pour le reste. وَهُوَ أَفْضَلُ مُتَطَوِّعٍ بِهِ مُتَطَوِّعٌ بِهِ وفضله عظيم والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا منها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. Le Cheikh il dit que c'est une des plus grandes formes d'adoration que quelqu'un peut faire, comme parmi les adorations surérogatoires. Si quelqu'un veut faire, disons, un surplus dans ses adorations, ça c'est une des meilleures formes d'adoration possible, quand c'est pas obligatoire pour quelqu'un d'aller et de se présenté comme combattant dans le djihad pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il dit que son mérite est grand et les textes qui ordonnent et qui incitent les croyants au djihad sont très nombreux dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi les versets qui en parlent, il y a le verset 111 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, dans l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Donc le Cheikh il dit ici que c'est une promesse qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Comme on a mentionné au tout début que même dans la Torah et dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on trouve des exemples de ces formes de djihad qui ont été mentionnées. Et même on a mentionné aussi que Jésus est rentré dans le temple, il a trouvé des gens en train de vendre et acheter dans le temple, alors il les a tous chassés avec un fouet Et donc ça, ça montre une forme aussi de jihad de la part de Isa. Et ça, c'est mentionné même dans le livre des chrétiens actuellement. Donc ça, c'est pour montrer que c'est pas toujours comme ils veulent se faire croire eux-mêmes. Et on a l'exemple des colonisations, qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les esclaves en Amérique, en Haïti et ailleurs. Tout ça, c'est des... Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la guerre du Vietnam, en Hiroshima, et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la destruction qu'ils ont fait, des guerres tellement meurtrières qu'elles sont incomparables dans leur cruauté, dans leur destruction par rapport à toutes les autres guerres qui ont pu être faites auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune comparaison. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs dans le monde, c'est toujours des exemples qui sont là présents pour montrer que ceux qui sont les vrais semeurs de troubles et ceux qui font le désordre dans le monde, ce ne sont pas les musulmans et ce ne sont pas les gens qui parlent au nom de l'islam, même si certains parmi les khawarij et les gens de bid'a parfois tombent dans ces formes d'extrémisme là, mais en ce qui concerne Ahlus Sunnah wal Jama'ah et les gens qui suivent la voie des salafs, les salafiyins, sont très loin de ce genre de comportement là et d'attitude. Donc on voit dans ce verset qu'on a lu tout à l'heure l'exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala incite les croyants au jihad et à la lutte dans son chemin. Ensuite, le cheikh il dit هناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا وهي أولا إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف ثانيا إذا حضر بلده عدو لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين. Donc on va lire les deux premiers. Le cheikh dit qu'il y a des cas où il y a certains cas spécifiques dans lesquels le jihad devient obligatoire à chaque individu. Et il dit premièrement, c'est lorsque le combat est en train de se produire et qu'il arrive. Et que tu es là au moment où l'ennemi est là, donc tu n'as pas le droit de te sauver, tu es obligé de combattre. Deuxièmement, lorsque l'ennemi encercle ton pays ou commence à, disons, approche pour venir attaquer ton pays. Dans un cas pareil, dans ces deux cas-là, ça c'est un genre de jihad qu'on appelle jihad ou dafa. Ok, c'est un jihad de défense et non pas un jihad de dans lequel on va pour appeler les gens à l'islam et pour leur demander de rentrer dans l'islam. Donc ça c'est le une première catégorie de jihad et ça c'est dans les cas où l'ennemi approche. Et si on le laisse entrer, il va prendre le contrôle et prendre le dessus sur les sanctuaires des musulmans et les choses de l'islam. Et donc dans un cas pareil, ce ne sera pas permis. Oui, donc il y a aussi un point à ce sujet-là justement, c'est que il faut voir, donc comme on a expliqué, la différence entre le jihad al-talab et jihad al-talab et jihad al-daf'. Les deux, c'est pas la même chose, comme le cheikh l'explique. Et des fois, on entend par exemple le fait que certains pays sont attaqué de la part de certains koufars et anis. Et donc il y a d'autres pays qui sont autour qui ne viennent pas en aide à ces pays-là, et il y a des gens qui s'imaginent que bon, ça c'est pas correct, que les pays musulmans qui sont autour devraient les aider soi-disant parce que ils sont en besoin. Mais il y a des règles dans l'islam à respecter et des conditions à respecter aussi, dans le sens que si le pays qui est attaqué, qui est un pays musulman, qui est attaqué par un pays non musulman, Et bien, si les autres pays autour ont des ententes de paix avec ce pays non musulman là, ben ils n'ont pas le droit, bien entendu, de d'attaquer yani, ce pays non musulman là à cause du pacte qu'ils ont avec eux. Et ça c'est mentionné bien entendu dans le verset 72 dans sourate Al-Anfal, wa in istansarukum fid din fa alaykum an-nasr illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. S'ils vous demandent de les secourir à cause de la religion, alors venez leur en secours, excepté contre un peuple, hein, s'il y a une entente entre eux et vous. Alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas, bien entendu, leur venir en aide dans ce cas-là. Et il y a aussi le fait qu'il faut distinguer entre les koufars. Quand on parle de jihad avec les koufars, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de distinction entre les catégories de koufars. Parce que parmi les koufars, il y en a qui sont ce qu'on appelle Ahlul Harb, et il y a ce qu'on appelle Ahlul Ahd. Et parmi donc ceux qui sont en guerre, c'est-à-dire quand il y a un État musulman qui déclare la guerre à un État non musulman, ou un État non musulman qui déclare la guerre à un État musulman, dans le cas pareil, ça, c'est disons deux pays qui sont en guerre l'un contre l'autre, on les appelle Dar Harb. Si il y a entre les deux pays une entente de paix et un contrat ou une entente de paix ou un pacte, eh ben c'est interdit aux musulmans qui sont dans ce pays-là d'attaquer le pays des koufars avec lequel on a une entente de paix. Et c'est pas permis à des groupes dans ce pays-là non plus, parmi les musulmans, de s'improviser comme étant soi-disant des partis islamiques pour essayer de dénoncer l'autorité du dirigeant, puis de se mettre à attaquer le pays des non-musulmans de leur propre initiative et de commencer à envoyer des missiles ou des guerres comme ça se passe dans certains pays actuellement. Où il y a un chef d'État, mais le chef d'État n'est respecté par aucun groupe dans le pays et aucun parti politique dans le pays. Et donc, les partis politiques se présentent comme étant eux les vrais représentants de l'islam et des représentants du pays. Et ils se donnent le droit, soi-disant, d'attaquer, de faire la paix, de faire la guerre comme ils veulent. Et ça, bien entendu, c'est complètement contraire à l'islam. Et ça, c'est l'attitude des Khawarij, encore une fois. Donc, les gens qui ont une entente avec les musulmans, ils sont de trois catégories. Les gens qui sont des musulmans, des gens qui sont des koufars, des juifs et des chrétiens, qui vivent dans les pays musulmans, on les appelle Ahlul Zimma. Et il y a les gens qui ont une hudna, c'est-à-dire il y a une entente de paix, un pacte, un traité de paix entre eux et nous. Et il y a Ahlu Aman, c'est-à-dire les gens qui sont en paix, en sécurité, dans le sens que ils viennent dans un pays musulman comme messagers ou comme commerçants ou comme ambassadeurs ou comme consul ou autre, et ils rentrent dans les pays musulmans avec une entente, et donc c'est interdit de toucher à quiconque parmi ces catégorie de koufar là. Et quiconque entre dans les pays non musulmans avec une entente de paix et en signant qu'il va être disons honnête et qu'il va pas trahir et qu'il va pas mentir et qu'il va pas faire du tort aux koufars dans leur personne et dans leur bien, eh ben il doit respecter sa parole et son entente, sinon c'est un traître et il a trahi son entente et il a trahi l'islam et les musulmans. Parce qu'il donne une mauvaise image par la suite à l'islam et aux musulmans en montrant que l'islam est une religion de trahison. Donc non seulement il a trahi sa parole à lui, mais il a trahi les musulmans et l'islam en faisant ça. Donc ça n'a rien à voir avec l'attitude d'un vrai musulman. Et donc ça c'est pour expliquer en ce qui concerne les catégories de koufar. Et donc on ne met pas, bien entendu, tous les koufars au même niveau. Il faut distinguer entre eux ceux qui sont en paix et ceux qui sont en guerre contre les musulmans. Donc tout ça c'est différents. Et si par exemple un pays musulman est en guerre contre un pays non musulman, ça c'est, c'est-à-dire on va dire qu'il y a un pays qui est en guerre, c'est-à-dire le dirigeant musulman d'un pays a déclaré la guerre à un pays non musulman, et que un musulman lui vient d'un autre pays musulman, non pas de, du pays où ce dirigeant-là a déclaré la guerre à ce pays non musulman-là, eh bien, étant donné que lui ne vient pas de ce pays-là, il doit respecter l'entente qui a été prise par son dirigeant à lui avec ce pays non musulman-là, et non pas prendre en considération, disons, la situation de guerre qui existe entre ce dirigeant-là et son pays et l'autre pays non musulman. C'est-à-dire que chaque pays musulman est individuel dans sa relation par rapport aux non-musulmans, et si un pays musulman a une entente de paix, si toi ton pays musulman a une entente de paix avec le pays de Kufr et qu'un autre pays musulman a une entente, est en guerre avec ce pays de Kufr, mais toi tu dois respecter l'entente de paix que ton dirigeant a pris avec ce pays de Kufr, parce que toi tu es sous son autorité à ce dirigeant-là et tu n'as pas le droit de sortir de son autorité. Hein? Donc chaque pays musulman est dans une situation différente par rapport au pays non musulman en question. Et donc ça c'est important, parce que maintenant il y a des gens qui ne prennent pas ça en considération et ils prennent comme si tous les pays musulmans sont un seul pays, et que si on attaque un c'est comme si on attaquait tous, et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne également dans l'islam. De toute façon, il y a des règles à respecter. Et on a vu l'exemple de ça, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans As-Sulh al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une entente avec les mushrikines, et que certains parmi les musulmans attaquaient les mushrikines, et qu'ils étaient attaqués par les mushrikines, et qu'ils ont demandé l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne peux pas vous aider, hein, parce que j'ai une entente de paix avec ces gens-là. Donc c'est pour expliquer que l'attitude à ce sujet-là c'est comme ça dans l'islam. Ok, donc on a expliqué les deux cas jusqu'à maintenant dans lesquels il est obligatoire à un individu maintenant de combattre lorsque ça se présente. On a donné l'exemple lorsque la personne est présente lors du combat, il ne peut pas s'en aller, et deuxièmement lorsque l'ennemi approche d'un pays musulman. Ça c'est bien entendu avant le combat. Lorsque l'ennemi approche et qu'il va envahir un pays musulman, il faut que tous les individus se réunissent pour combattre cet ennemi-là, pour l'empêcher d'entrer, si c'est possible. Si, supposons que l'ennemi est trop fort et que c'est pas possible de le repousser, mais dans un cas pareil, il est toujours possible aux dirigeants musulmans de prendre une entente de paix avec cet ennemi-là pour justement éviter les grandes pertes et éviter la destruction du pays inutilement. Et donc ça c'est un cas, une possibilité. Sinon aussi, qu'est-ce qui est un cas qui est important à comprendre aussi, c'est qu'une fois que l'ennemi est entré et qu'il a pris le contrôle de ce pays-là, eh ben dans ce cas-là, c'est pas permis de faire comme ces gens-là font en Irak actuellement, de mettre des bombes et d'attaquer et de, disons, soi-disant montrer qu'ils sont en train de combattre l'ennemi. S'il doit y avoir une réplique ou chasser un ennemi quelconque, il faut que ce soit fait de la part d'un dirigeant musulman et qu'il y ait une force, et que ce soit fait de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Parce que si ça se fait de l'intérieur, ça va créer de la destruction et des morts inutiles, et ça fait la fitna. Et c'est ça ce qui se passe maintenant en Irak et ce qui s'est passé depuis le début. Donc les gens qui n'ont aucune connaissance de l'islam, aucun fiqh, ils font juste la destruction et le meurtre, malheureusement. Et la même chose en Afghanistan et dans d'autres régions du monde. Donc, Allah al-Musta'an. Et après, le cheikh, il dit comme troisième cas, إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة. Si par exemple, on a besoin d'un musulman en particulier pour le combat et pour la défense, à cause d'une peut-être par rapport par exemple à une connaissance qu'il a ou une connaissance qu'il a de certaines armes ou de certaines, par exemple, il sait comment voler un avion, comment faire voler l'avion ou telle arme, donc on a besoin de lui, donc il doit venir. Quatrièmement, إذا استنفره الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit: et lorsque l'imam, c'est-à-dire lorsque le dirigeant musulman vous envoie au combat, alors allez-y. C'est-à-dire on n'a pas le droit de désobéir au dirigeant quand il nous demande de participer au combat. Ça c'est quatre cas dans lesquels il est obligatoire à un individu de prendre part au combat, hein, et il n'a pas le droit de s'en détourner. قال تعالى إذا لقيتم فئة فثبتوا. وقال تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. Donc ça c'est deux versets qui sont mentionnés par le cheikh pour montrer l'épreuve de ce principe-là. Le premier exemple est tiré du verset dans Sourate Al-Anfal, le verset 45. Ce verset-là dit ne te le verset 45 qui dit إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فثبتوا. Dans Sourate Al-Anfal. Lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme. Ça, c'est le premier verset. Puis, l'autre verset, c'est dans Sourate Tauba, le verset 38. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pardon. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous lorsque l'on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah », vous vous êtes apesanti sur la terre. Donc ça c'est des exemples de ce que le cheikh a mentionné au sujet de se lancer dans le combat. Et le cheikh il dit « وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه ويجب مع القاعدة لعذر على القاعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهلهم ومالهم. انتهى. Donc le cheikh il dit que le jihad, il y a une partie du jihad qui peut être fait avec les mains, qui est fait avec la main, avec la force, et aussi il y a qu'est-ce qui est fait avec le cœur et avec l'invitation à la vérité, la da'wah, il y a avec la preuve, il y a le jihad avec la clarification et l'opinion, aussi avec l'organisation et l'artisanat, ou bien avec les métiers ou les choses qu'on est capable de construire, hein. Donc par exemple s'il y a des ingénieurs ou des gens qui sont formés dans certaines choses, et ben eux ils aident de ce qu'ils possèdent comme capacité, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites non seulement sur le terrain mais sur le terrain du combat, mais également en arrière aujourd'hui avec toutes sortes d'autres moyens, parce qu'on sait qu'actuellement il y a toute une technologie derrière ces guerres actuellement. Regardez par exemple l'armée américaine, comment ils ont toutes sortes de non seulement des combattants qui sont sur le terrain, mais en arrière il y a des gens qui contrôlent les ordinateurs, les missiles, les trucs, les informations, l'intelligence, tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Donc le cheikh dit فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القاعدة لعذر أن يخلف الغزاة في أهلهم ومالهم. Le cheikh dit également que il doit faire ce qu'il peut comme qu'est-ce qu'il a comme moyen pour aider, et il est obligatoire également à ceux qui restent derrière pour une excuse valable, comme par exemple ceux qui peuvent pas participer au combat parce qu'ils ont une infirmité ou parce qu'ils ont par exemple ils sont aveugles ou qui ont d'autres maladies ou des problèmes, eh ben eux ils restent derrière et ils prennent soin des femmes et des enfants et ils gardent qu'est-ce qui a été laissé derrière. Ensuite le cheikh il dit ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزهدهم فيه ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة ويأمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية. Le cheikh il dit que également le dirigeant musulman, c'est obligatoire pour lui de calculer et de regarder qui fait partie de son armée pour le djihad. Et il doit exclure toute personne qui n'est pas apte au combat parmi les hommes et parmi les montures, hein, et tout ce qui a rapport avec ces choses-là, soit les voitures ou les avions ou autres. Et il dit, il doit empêcher également la personne qui décourage les gens du combat et qui essaie de les, disons, les décourager. Également, la personne qui essaie de leur faire peur, Al-Murjif, hein, ceux qui essaient de faire peur aux combattants et qui leur disent « Oh, l'ennemi, il est fort, l'ennemi est ci, l'ennemi est ça », il essaie de décourager les combattants. Et il doit aussi empêcher celui qui fait une sorte d'espionnage pour les ennemis et qui leur transmet des informations au sujet des musulmans. Et aussi, celui qui fait de la fitna entre les combattant. Et il doit ordonner ou mettre à la tête de son armée un chef qui va guider et s'occuper de l'armée de la façon islamique, selon la charia. Ensuite, le cheikh dit « ويجب على الجيش طاعته بالمعروف والنصح له والصبر معه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » dit c'est obligatoire à l'armée d'obéir à ce dirigeant-là dans le bien et de lui donner le conseil et d'être endurant avec lui et patient avec lui à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc c'est obligatoire pour les musulmans qui sont dans l'armée d'obéir à leur chef et à leur supérieur.